Ladies and gentlemen, you're listening to PA Don Lupin. Cyril Hanouna sur Europe 1. Of course. And may God bless the United States of America. Eh, c'est pas fort ça. C'est pas fort ça. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. It's the plate of the plaque. Voilà. Ah oui. Sur Google bien. Ah, j'attends le jingle avec impatience. Ah. L'Americano Quiz. Ah oui. Ah oui, quand même. Là, on y est. Ah, ils ont bossé. Oh là là, c'est beau. Là, on est aux États-Unis. Il y aura 4 questions sur les États-Unis. On parle du foutage de gueule du jingle ou pas? On va pas en parler pour pas les vexer, mais ils savent ce qu'on pense d'eux. Non, mais ils ont mis tout leur cœur et tout. Le supermarketo quiz. On va encore écouter de la musique de supermarché, là, remixée par des grosses tempêtes. C'est le jingle? C'est le jingle que vous avez fait? Parce que je vais raconter aux auditeurs d'Europe 1. Il y a toute l'équipe là de la régie, donc Vincent, Nicolas et les autres, qui me disent depuis ce matin, on t'a préparé un jingle sur le supermarketo quiz. Ça va être un carton. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Une note de 1 à 10 pour ce jingle, Estelle Denis? 2. Jean-Luc? 1. Merci. Gilles? 0. Merci. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je mets 11 sur 10. 11 sur 10. Je leur dis bravo, les gars. Voilà, on voit bien que Valérie Béry met sur tous les dossiers depuis la rentrée. Elle veut même choper Vincent et Nicolas. Allez, on va donc en profiter pour voir qui a le meilleur coup de fourchette avec le Resto Quiz. On va fluncher, faites-vous plaisir, manger équilibré. Chef, je note, les légumes sont à volonté. On va fluncher, on va fluncher. J'aime bien. Ah ouais. C'est le rentre quiz. Ah ouais. Merci. À chaque fois qu'on fait un truc sur l'école, ils mettent cette chanson. Ouais. On a compris. Hein. Vaut mieux ça que chez là, en même temps. Oui, ouais. C'est vrai. C'est l'un ou l'autre. Hein. Merci, merci. Et on va jouer avec vous et avec tous les chroniqueurs tout de suite au conseil de classe au quiz. Quelle répartie cette régie. Ah, ouais. Ah oui. Ils vont vite. Ah oui. Voilà. Fort. D'accord, bien sûr. Vous les avez beaucoup critiqués à mettre toujours la même musique. Là, ils vous mettent du Pink Floyd, c'est bien. Non, non, ils sont très forts. Ils sont très forts, ils vont pas rester longtemps, mais ils sont très forts. C'est le quiz du jour, c'est parti. Pas mal. C'est un quiz sur la famille, donc forcément, ils ont mis cette chanson. Elle est en pointe, cette régie. Hein. Ah ouais, vraiment. Bravo. Bravo. Alors, on va parler donc des tracteurs et des agriculteurs avec le Tracto Quiz tout de suite. Ah oui, en fort, ah ouais. Bravo. Oh là là là là. Son réactif, hein, c'est fou. Bien sûr, musique de l'amour et dans le pré. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes à Lille, on va faire un Lilo Quiz, c'est parti. Oh non, non. Vous n'avez pas osé. Yalil, Yalil, Habibi Yalil. Cette belle chanson que Patrick Bruel a fait pour cette belle ville. C'est bon. C'est bon. Merci Patrick. Merci et bravo à la régie, voilà, qui a eu la présence d'esprit de mettre cette musique. Allez, Footix au quiz tout de suite. Et le but de l'équipe de France. Bosse beaucoup plus que l'an dernier hein, à la régie. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, vraiment, bravo à vous. Pour le moment, on joue avec Claire Chazal. C'est le Chazal au quiz. Madame, monsieur, bonsoir. Oh, ils sont lourds. C'est horrible. En régie, oh là là, c'est horrible. Non, mais franchement. Allez, le quiz au quiz tout de suite. C'est parti. Ah oui, quand même. Bien sûr, vous avez reconnu. Ouais. La Marseillaise. Qu'est-ce que vous êtes cultivé, Patrick? Rouget de Lille. Quand on est français, ça fait un petit truc hein, quand même comme ça. À chaque fois, ça donne. Ah mais moi, ah ouais. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a Valbuena qui va jouer. Ah ouais, genre Wazidane, Petit, Vicente. Ah oui. Tout de suite, c'est le téléphone au quiz. Navarro, j'écoute. Alors, salut. Oh, la régie. C'est bien. Oh, très beau. Eh oui, le téléphone au quiz, ils ont fait un jingle incroyable. On le réécoutera certainement enfin, voilà, pour clôturer aussi la séquence, pour mettre en exergue leur travail. C'est l'occasion pour nous de faire un découverte au quiz. Nom de Dieu. Le principe est simple, et bravo encore pour le jingle. Allez, on va passer tout de suite aux voitures au quiz. Pas mal, pas mal. Ouais, quand même. Les mecs, ils se lâchent. Bah, drive et tout. Non, mais franchement, ils font un travail exceptionnel, Vincent et Nicolas. Bravo. Ils sont formidables. C'est qu'ils donnent tout sur le jingle de début, après, on les voit plus dans toute l'émission. Non, mais je vais vous dire, depuis qu'ils sont paxés, ils sont bien meilleurs. Allez, mariés. Ah, ils sont mariés, d'accord. Ouais, maman, c'est pas ça. Allez, tout de suite, on joue au Zlatan au quiz. Newt. My name is Zlatan. Fort. Avec la musique de la Ligue des Champions. Pour le moment, c'est le Mexico quiz. Mexico. Mexi. Il s'embête à faire des jingles incroyables. La cucaracha. Quelle pertinence. Ah oui, c'est vrai. Ils ont la suite dans les idées. Ah, ils sont très très forts. On s'y croirait. Alors tout de suite, on s'est dit qu'on allait faire un Poiscalo quiz. C'est parti. Ah oui, le grand bleu. Vous êtes sûr que c'était pas Poiscalo? Poiscalo. Parce que s'il y a Poiscalo, le grand frère, mais c'est autre chose. Poiscalo, le grand frère. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est comme ça que tu parles à ton père? C'est entre Pascal, le grand frère, et El Gringo. Il va tout mettre un grain de café dans la gueule. Et tout de suite, on se fait le choréo quiz. Cette mesure doit, à mon sens, lever toutes les inquiétudes. Et oui, bravo, ils ont mis du Manuel Valls. Oui, parce que... j'assume. Oui, bon, bah c'est bon. Le sérieux quiz, c'est tout de suite. Cyril Hanouna, votre mission, si vous l'acceptez, est d'animer le sérieux quiz, même entouré de 4 boulets. Ce message s'autodétruira dans 5. 4. Oh merde, on a plus le temps. J'aime bien. C'est juste dommage d'avoir fait la voix par un mec qui a pas mué. Non mais c'est ça. Mais attendez, mais c'est qui a c'est fait Fabien, la voix? C'est Fabien ça, c'est Fabien. Ah, oui. C'est Fabien Delettre, des auteurs. Ouais, Fabien Delettre qui a 45 ans. Et qui a la voix de Kevina. Non mais c'est ça, mais c'est quand même embêtant. On va jouer au Yannick au quiz tout de suite. Je suis Métis. S'il vous plaît, prenez-moi. Je suis Métis. En ce moment, les jingles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils sont plus attendus que les séquences. Les auditeurs attendent plus les jingles que les séquences en elles-mêmes. Donc, pour vous dire où on en est. Hein. J'aimerais bien avoir une émission juste avec des jingles. Ah ouais. Moi aussi, ça serait bien. Et puisqu'on parle cinéma, eh bien, ça nous donne l'occasion cet après-midi de faire un Cinocho quiz. Oula. Voilà, c'était notre parenthèse Jean Mineur. On y va, Valérie, tout de suite. C'est donc le Hanouna Quiz, c'est ça? Et le Hanouna Quiz, exactement. Allez, c'est parti. Musique. Oui, la musique. Tout de suite, c'est l'enfoiré au quiz. Et on va faire donc un tapas au quiz. C'est parti. Oh là là. Ah oui. Et ils sont devenus très très bons en régie. Ils Passent très comme des fous. Allez, Hollando quiz. Hollando quiz tout de suite. Pas mal. Eh ouais. Vous avez remarqué? Ah, oui. Hollande, pluie, président, parapluie, pyramide. Tout ça, quoi. C'est donc l'occasion de faire un fashion quiz. Démodé, pas démodé, vous savez. Hein. La mode et la musique, c'est identique. Salut. On dirait une musique de défilé. qui va défiler pour Prada là, cette année? C'est pas Chiara Mastroianni? Bah, qui... Vous voulez dire Cara Delevingne? Hey, elle est mignonne, elle, hein. Je l'ai vue dans la pub avec Kate Moss. Elle a des gros sourcils. Ouais, des gros sourcils. Ah, oui, bah, elle est pour moi. Ah. On va parler kawa. On va parler arabica robusta, course en sucre allongé. C'est la fête de tous les cafés aujourd'hui. C'est parti. Alors, gringo, content de notre récolte? Oui. J'espère pour toi qu'il est meilleur que celui que tu m'as refusé. Du calme, Pedro. Ah ouais, quand même, ils allaient loin, ah, les mecs. Ah, la collégiala. Ah ouais. Du calme, mais, Pedro, c'est bien. C'est énorme. L'accent, ouais, du gars, là, le mexicain. C'est, oh bah, colombien, je sais plus. Franchement, parce que le mec, en fait, deux minutes avant, il parlait complètement normal. Salut, tu vas bien? C'est moi qui fais le colombien dans la pub. Eh, hey, dis-moi, Pedro. Et je vous propose de faire un jeu sur les desserts avec le gâteau quiz tout de suite. C'est parti. Voilà le gâteau, et sortez les couteaux. La pièce montée, on va la démonter. Merci. Hein, c'est sympa. J'espère juste des gens de France Inter ne nous écoutent pas. On va jouer tout de suite au Pernod Quiz. Bonjour, c'est Jean-Pierre Pernod. À tout à l'heure. Ah, pas mal. C'est pas mal ce qu'ils font comme jingle en ce moment. Il y a une équipe fabuleuse en régie. Allez, on va jouer tout de suite avec Johnny Hallyday. On a un scoop à vous livrer sur Johnny. C'est l'actu quiz. Je pense que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart. Ah ouais. Bravo à la régie. Bravo. Ah, bravo. Ah, c'est très drôle. Ah ouais. Quel boulot. Ils sont de plus Quel en plus forts. Quel boulot, ouais, c'est de plus en plus fort. Ils sont plus forts pour faire des jingles que pour envoyer tout simplement des sons, hein. Regardez, je vais demander un son, par exemple, je vais demander une chanson de Johnny, regardez, ça va pas partir. Ah, ah non, ils sont au taquet. Vous avez bien sûr la réponse. Ah, ils sont forts. Ah non, non, mais aujourd'hui, ils ont pas envie de déconner, hein. Ouais. Allez, on écoute le jingle. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Ça, c'est le soft, ça. D'accord. Oui. Ouais, non, si c'est bien. Pas mal, c'est soft. Hein. Oui, si, c'est bien. Ouais, ouais. C'est pourri. est-ce qu'on peut avoir le jingle hard? Le jingle hard. Oh, ah oui, non, non, non, non. Ah oui, quand même. Ah, ils sont allés loin en régie. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà. Puis d'ailleurs, le roi Merlin pour réussir. Oui, le roi Merlin pour réussir. Ah non, non, ils y sont allés. Non, mais le soft était bien en fait. Finalement. C'est vrai que quand on écoute le hard, on se dit que le soft était génial. Ah ouais. Ah voilà. Ouais. Et bah bravo à vous en tout cas. Bah, beau boulot. Beau boulot. Merci. Beau boulot, les électriciens. Allez. On va donc jouer au Pinard au Quiz. C'est parti. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime. C'est le jingle? Ouais. Ah oui, quand même. Allez, bravo. Vous verriez la régie, mais ils sont fiers d'eux. Ah, mais c'est vrai. Il a raison, Jean-Luc, en fait. Les mecs, ils pètent les plombs maintenant. Non, c'est leur moment de gloire tous les jours. Ils peuvent regarder la créativité de ces gars-là, quand même. Ils ont mis un Obispo et puis un bruitage de pinard, c'est tout. Hein. Ça va. Ils n'ont pas non plus révolutionné la radio française. On joue tout de suite au Drucker au Quiz. Tu sais ce que je vais faire ce week-end? Je vais m'éclater. Ouais, quand je fais pipi, tout repousse. On va faire l'actu quiz, c'est parti. Eh ben c'est bon. Eh bon bah c'est bon. Oui bon bah c'est bon. C'est le croisière au quiz. Vous avez remarqué. J'aime bien le jingle. Allez tout de suite on joue à l'actrice au quiz. C'est parti. Le César de la meilleure actrice. Le César de la meilleure actrice. Est attribué. Est attribué. À. Judith Godrèche je t'en. Merde. Pardon. Oh je suis désolée. Excusez-moi. C'est Judith Henry dans la discrète. Excusez-moi. Bravo. Bravo, alors là ils ont bien bossé hein. Là-dessus, hein. Merci. Il y a les Césars qui arrivent pas tout de suite, mais je pense qu'ils sont prêts en tout cas. L'actu quiz, c'est tout de suite Télécrochet Quiz. Hey, c'est de la musique qu'on fait. C'est pas je viens, je joue gangster, je tac-tac. Mais pourquoi a-t-il si les chats? Allez, on joue au Tatou Quiz tout de suite. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien? On dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es vexant, hein? Bon, vous avez reconnu François Damiens. Jeune Hanouna, cesse ta révolte stérile contre l'Empire. Tu n'arriveras jamais à faire rire toute la galaxie. Je vais être honnête avec toi, Dark El-Kabash. Je trouve que tu te la pètes un petit peu. Europe 1. Journée spéciale Star Wars. 16h-18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Au fait, Cyril, je suis ton père. Non ! C'est beau. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat. Il y a soudain un grand trouble dans la force. Je l'ai senti. Cyril Hanouna. Quel beau travail fait par Vincent et Nicolas de la régie. Oh non, là. Et là ils me disent non, c'est pas eux, je me disais aussi. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau, donc voilà, c'est vraiment, c'est les autres équipes d'Europe 1. Voilà, très c'est sympa. Star Wars en disco. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup. Allez, le Star Wars au coup. Il vous en reste un peu. Europe 1, les pieds dans le plat. Il est très malin, tu sais. Cyril Hanouna. Pour un être humain. Allez, tout de suite sur le Casano Quiz. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, Mattia, Mattia. Mamma mia. Là, c'est plus des jingles, c'est la maxi-tête. Non, mais c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, bravo pour le travail de Vincent et Nicolas, qui font un travail exceptionnel. Mais c'est vrai que, en fait, maintenant, les jingles sont plus longs que l'émission. C'est fou, c'est-à-dire, on déborde, là. Ça y est. Allez, on laisse tout de suite la place à Nicolas Poincaré pour Europe Soir. Merci d'avoir été avec nous sur Europe. Tout de suite, Ronaldo Quiz, c'est parti. Ah, cette musique, elle met toujours la pression. Ah ouais, c'est fou. Hein. C'est l'Astérix au quiz. C'est parti. Ah, voici une gourde de potions magiques qui pourra vous être utile. Astérix est là. Ah oui, quand même. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. C'est bonne cette musique. C'est hein. Plastique Bertrand, non? C'était Plastique Bertrand, oui, effectivement. Oui, vous avez raison, c'est fou. J'avais pas reconnu sa voix. Ah bah si. C'est le Danse avec les stars au quiz. C'est parti, jingle. Sur une Roomba, Cyril Hanouna. Fort. Attendez, attendez, parce que ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y a des jingles sur tout le monde. Parce que. Non, non, non. Que sur moi, c'est avec moi à chaque fois. Allez-y, vas-y, montre-moi. Sur une salsa. Pas fort. Cyril Hanouna. On était dans les trottoirs de Mali. Là, normalement, sur une musique comme ça, quand vous mettez une musique comme ça, il y a toujours Bernard Lavilliers qui arrive. Salut à tous. J'étais dans une favela. Mais c'est tellement vrai. J'ai mis mon débardeur, j'ai mis la boucle d'oreille, et je suis venu vous voir. Viens là, Chico. Je revenais du mat au gros saut. Ouais, je... du mat au gros saut. Allez, troisième ambiance. Sur une musique d'attente, Cyril Hanouna. Terre de fenêtre. Terre de fenêtre est une société de fenêtres où il y a plus de 150 professionnels qui s'occupent rien que de vous. Terre de fenêtre, j'écoute. Terre de fenêtre, vous avez demandé Nordin, ne quittez pas. Terre de fenêtre, ce sont des fenêtres faites dans un bois très spécial. Moi j'en ai un autre, Cyril. Le Wanka. L'Union des proctologues français fait tout pour vous répondre. Tous nos conseillers sont en ligne. Veuillez rappeler, s'il vous plaît. Allez, quatrième jingle. Ils en ont fait plein. Sur une pauvre musique de manouche, Cyril Hanouna. Non, mais oh. Ça veut dire quoi, ça? Ah non, la régie, non, ça c'est moche. Ah, non. Non, mais ça va pas bien. Oh, il est pas bien, Cyril, là. Ça vous a fait de la peine. Ah non, vraiment, je vous jure que c'est comme si on touche à mon frère. Ah ouais. Ah ouais. Là, la grand-mère de Kenji, elle va te mettre une fourchette dans les yeux. Là. Non, non, mais je suis écœuré de ce qu'ils ont fait en régie. Non, mais vraiment. Ouais. Addict au quiz. J'additionne les C'est que je t'adore, mon Cyril, mais putain, tombe pas dans la loupe. C'est énorme. Oh, l'imitation approximative. L'imitation de Patrick Sébastien, c'est génial. On va faire tout de suite un quiz. Le coq sont-ils devenus au quiz? Nous sommes sans nouvelles de Steven du groupe Alliage depuis plus de 10 ans. Il aurait été vu la dernière fois en compagnie des Poetic Lovers au Banana Moon à Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous l'apercevez, prévenez Cyril Hanouna. Surtout, n'agissez pas seul. Merci, bravo, bravo à la régie. Vous avez vu ce qu'ils font? Non, mais très drôle. Ah, mais c'est des trucs de dingue. Non, attends, il y a une patte. Il y a une patte humoristique. Ils scénarisent les trucs. Ah, c'est une super production, vraiment. Très, très fort. La création, parce que c'est... la voix était magnifique. Ah, ouais. Vraiment, bravo à vous. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Bon bah c'est bon, bravo à la régie, bravo. Excellent. Très très beau. Très très beau jingle. Du Farmer au quiz. On va faire un Hollande au quiz tout de suite, c'est parti. Si Alain Delon, il écoute ça, ce qu'on appelle la Marseillaise. Ouais, c'est vrai. Non, on va prendre dans la gueule. Ouais. L'actu quiz du jour, c'est le Sarko quiz. C'est parti. Héros, héros, on rentre du boulot. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Héros, héros, héros, héros. On va vous en débarrasser. Il n'y a plus de respect. Voilà, c'est le jingle hein, de l'équipe. Bravo, il n'y a plus de respect. Alors, qu'à donner les noms de ceux qui ont fait le jingle. Ouais, oui. Nicolas et Vincent, voilà, qui sont en régie. Allez voilà. Faire ça en Corée du Nord. Vous allez voir. Ah ben, mousse papam. Ah oui, ah oui. Ah, il est bon le jingle. Et aujourd'hui, l'actu quiz, c'est un papo quiz. Allez, on va faire tout de suite un sextape au quiz. Ah, c'est parti. Faut qu'il fasse du buzz, une sextape. Parce que François, sinon, on va l'oublier. Nous avons avec la chancelière Merkel. Et voilà, c'est le sextape au quiz. Merci à l'équipe. Hein. Bravo. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Ah, ils sont de ouais. Mieux en mieux. Ah, hein. Ouais. Tout de suite, c'est le Benzema quiz. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim. Ah oui, quand ah même, ouais, c'est pas bien. Mal. On va jouer tout de suite au Sardou au quiz. Il a vieilli, il a grossi, il a blanchi, et encore, j'ai arrêté la teinture, je ressemblais à une crème brûlée. Afrique, adieu, belle Africa, où vont les eaux bleues. À chaque fois, je le dis, mais Michel Sardou, s'il n'écrit pas ses chansons avec un atlas à côté, c'est un phénomène de la géographie, ouais. Le gars. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, tu voyages avec lui. Non, mais bah oui. Dans toutes ses chansons, il y a un lieu, il y a un endroit. Non, y a le gars, il a avec une map monde. C'est un truc de fou. Son prochain album, c'est Méridien de Greenwich. Allez, on va parler de Didier Deschamps tout de suite, bien sûr. C'est le Dédé Quiz. Tu joues avec Dédé. Ah bah oui. Il y a du suspense. Et qui c'est Dédé? Pas Dédé, Dédé, Dédé. Bah, il fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé. C'est une farce. Ah bah j'aime bien. Le jingle, c'est une farce. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça n'est pas l'air d'être une farce. Allez, Johnny au quiz tout de suite. Je pense que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Johnny Hallyday, merci en tout cas, très beau jingle qui le met vraiment en avant, merci à vous hein, heureusement que vous êtes là hein, surtout qu'on a très envie d'avoir Johnny en tout cas, vous savez, le mettre en valeur. Allez, tout de suite c'est le chanson quiz. Il y reste une chance, une infime chance. Et être sportif de haut niveau, c'est ça, c'est jouer sa chance jusqu'au bout. On se met en place. Oh, on a parlé de chance quand vous mettez Raymond Domenech. Bah, il a de la chance, il a Estelle Denis. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est lui, il a gagné le gros lot quand même. Ah bah lui, bah, c'est pas sympa pour elle, non, le gros lot. Ouais. Tu peux la décrire autrement, c'est ton ami quand même. Baiser, c'est important. On va faire un amour au quiz tout de suite, c'est parti. C'est Snoopy et Gopher, jingle. Quand c'est la loose à Toulouse, pensez à nos deux winners, Snoopy et Gopher. Voilà, merci d'être avec nous. Voilà, eh ouais, bien sûr. C'est clair. Les... 36-15 RFM, si vous voulez, très infos. Snoopy et Gopher, dès le petit déjeuner, ça c'est fort de café. C'est énorme. Snoopy et Gopher, dès le matin, ça c'est fort de café. Les après-midi avec Snoopy Gopher, Tonton Walkman, jamais un flop, toujours tip top. Allez, c'est pour moi, je mets une carte kiwi pour Valérie.